une équipe. Les esprits sont pauvres et j'en entends beaucoup parler d'argent. Le syndrome du hip-hop comme Billy Bob, j'en ai les symptômes. La fine équipe s'impose, et pourtant c'est que l'intro. Au fond y'a plein de cons que je verrais bien dans les rues de Saint-Tron. Nous on reste synchrone avec la foi comme symbole. On est parti de rien, éparpiller l'info. On finira sous le même linceul, on s'en va des lingots. Le monde se déglingue, on n'aime pas celui qui se plaint trop. Est-ce que tu comprends ou dois-je parler avec un flingue? Un jour viendra, moi j'arriverai où les miens veulent. C'est vrai que ce sera bien drôle quand l'État payera nos impôts. C'est le ciel que j'implore, l'essentiel que j'instaure. Restant présent et résistant à chaque instant. On n'est pas prêt de rentrer dans l'industrie du style. On s'investit, on avance avec l'esprit lucide. Toujours à opérer de serein à Paris. On est tous Paris, joue pas l'américain. Nous c'est la fine équipe. 4107-8 Exhaleur Fini Poc. Ah ah. Le syndrome du jet de flamme comme l'exhale, j'en ai les symptômes. Le CY s'impose et la marque c'est le grain rouge. Le pinceau reste plongé dans le sang de ceux qui souffrent. J'ai pas prêt d'oublier ceux qui subissent avec trois coins trop. J'en ai plein d'eau, on se reverra très bientôt. Je contrape mes douleurs à l'infini jusqu'à ce que j'implose. Je crève de mal, c'est abusé. Souvent j'ai hésité d'envoyer mes principes au bûcher. Les textes m'aident à lutter, restreignent la dureté. Je reste près de ma plume, elle est mon expert armurier. Respecte la plume et que je crache car je n'ai pas. J'ai cette espèce de fusil d'assaut casé dans la mâchoire. J'ai fait le choix de mes armes, c'est bien simple. Est-ce que tu comprends ça ou de parler avec un flingue? Mince, je maquille des prods aux lames de rasoir. Celle-ci est de Bill Bock et c'est l'intro du laboratoire. La fine équipe, notre esprit a le dos large. Y'a rien qu'on idolâtre, on vit dans la peau de l'art.